Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le 8e épisode de Léviathan. Ce mois-ci, nous avons décidé que pour deux de nos trois sujets d'actualité, nous allions faire quelque chose d'un peu différent. Nous allons donc parler de la relation entre la Chine, Taïwan et Hong Kong et son influence sur les relations avec les États-Unis, de l'importance des commémorations de guerre pour la diplomatie et du Salon du Bourget 2019. Pour le grand dossier, je n'ai malheureusement pas pu être présente lors de l'enregistrement, mais je serai de retour pour le prochain sujet. Donc je vous laisse aux soins d'Océane et Camille Siegel, qui va nous parler de la place de la Corée du Sud dans l'Asie. Une fois de plus, les États-Unis sont au centre des attentions dans les relations internationales, que ce soit à cause de leurs relations avec le Mexique, avec l'Iran ou avec la Chine. Mais aujourd'hui, nous allons parler des relations avec la Chine, mais surtout à travers du prisme de ce qui se passe à Taïwan et Hong Kong. Alors, est-ce que tu peux juste nous expliquer assez brièvement quelles sont les situations de Taïwan et de Hong Kong qui sont, il me semble, un petit peu particulières ? Oui, je voulais justement faire un très très bref retour historique qui permet de mettre en place le contexte. Donc, en 1949, le Parti communiste chinois a pris pouvoir en Chine et le parti chassé du pouvoir s'est enfui en Taïwan et depuis 1950, leur pouvoir y était effectif. Ils affirmaient même avoir également un pouvoir sur le reste du territoire chinois, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Dans les années 80 et 90, le parti est passé d'une dictature à parti unique à un système semi-présidentiel avec plusieurs partis politiques, s'ouvrant ainsi un peu. Sauf que quand la Chine a officiellement pris sa place à l'ONU en 1971, remplaçant donc le gouvernement de Taïwan qui représentait jusque cette date-là le territoire, et puis, étant donné que la Chine a toujours revendiqué sa souveraineté sur l'île de Taïwan, de nos jours, il n'y a que 6 des 193 États membres de l'ONU qui reconnaissent Taïwan comme un État souverain. Bon, il faut malgré tout tenir compte qu'il y a un bon nombre de pays qui maintiennent des relations officieuses avec Taïwan, ainsi que des bureaux permettant une représentation diplomatique officieuse dans le pays, notamment dans les pays de l'Europe et les États-Unis. La situation de Hong Kong est assez différente puisque jusqu'en 1997, l'île était sous protectorat britannique et suite à des accords entre le Royaume-Uni et la Chine, Hong Kong est devenu un territoire chinois, même si sous certaines conditions, notamment le fait que la région est un système économique et gouvernemental séparé de la Chine continentale. La majorité de la population elle-même ne se considère pas chinoise d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le système une Chine, deux systèmes, que d'ailleurs la Chine continentale veut appliquer en Taïwan. D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est un thème qui arrive dans tes actus ce mois-ci ? Eh bien, il semblerait que dernièrement, la Chine ait quelques tensions supplémentaires avec ces deux entités. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, le ministre de la Défense chinois, Wei Fenghe, a affirmé le 2 juin lors du dialogue Shangri-La que, et je cite, « Si quelqu'un ose séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'aura d'autre choix que de se battre à tout prix pour l'unité nationale. » Donc ce sont des mots très forts, et puis la réalité de la question serait une vraie catastrophe, surtout sachant que Taïwan est militairement préparé à se battre contre la Chine. Je ne juge pas ici leur capacité à les affronter, simplement la préparation. Ils effectuent souvent des exercices anti-invasion, le dernier en date ayant eu lieu en mai. Et il y a un article très intéressant sur le sujet de l'affrontement militaire entre ces deux puissances qui peut être trouvé en bibliographie de cet épisode. Alors, ce qui est intéressant à noter sont les liens proches que Taïwan a avec les États-Unis, qui ont toujours été un problème pour la Chine et encore plus maintenant au vu de la situation. Il faut aussi noter que les relations aussi étroites entre Taïwan et les États-Unis sont très récentes, datant notamment du mandat de Trump. Depuis, les États-Unis ont déjà vendu presque 2 milliards en armement à Taïwan et veulent d'ailleurs leur vendre jusqu'à la même somme en tank et armes très prochainement. Dans les discussions pour de futures ventes seraient d'ailleurs inclus 66 F-16, je dis bien dans les discussions. Les Taïwanais avaient déjà essayé d'en acheter des dizaines sous l'administration Obama et ça n'avait pas eu lieu. Donc j'imagine que ça rajoute de l'huile sur le feu dans les relations États-Unis et Chine. Oui, largement. Les États-Unis ont d'ailleurs fait plusieurs exercices navals dans le détroit de Taïwan ces derniers mois en tant que démonstration de force envers la Chine, mais vis-à-vis de laquelle ils étaient en plein droit de faire. J'ai d'ailleurs lu dans un article que Derek Grossman, qui est un analyste de défense pour RAND Corporation, est de l'avis que les prochaines élections présidentielles à Taïwan risquent d'être significatives pour le futur de toutes ces relations, enfin, entre ces trois pays, puisque si le président actuel, Tsai Ing, est réélu, les tensions ne risquent de s'accroître entre Taïwan et la Chine. Par contre, si un candidat de l'opposition gagne et qu'il souhaite, ce qui reste très incertain, accepter la position actuelle chinoise, dans laquelle Taïwan leur appartient, et il y aurait la mise en place d'un système, un pays de système, ce serait probablement le seul moyen de calmer le jeu. Mais ça reste très peu probable, puisque l'opinion publique est très contre toute cette idée. Toutes ces questions restent malgré tout à être nuancées, puisque le risque réel d'un conflit armé reste très bas. Comme je l'ai dit plus tôt, ce serait catastrophique, notamment dû au fait que la position américaine, de la position américaine qui pourrait soutenir Taïwan, et un conflit armé entre la Chine et les États-Unis, enfin bon, je vous laisse imaginer. Néanmoins, clairement, les relations diplomatiques et économiques ne risquent pas de s'améliorer si on reste dans la même logique qu'actuellement. Surtout que, puisque les relations sont censées être officieuses seulement entre Taïwan et de nombreux pays, les rencontres diplomatiques ne sont pas censées se faire entre des officiels de haut niveau, comme c'est le cas depuis la dernière année entre Taïwan et les États-Unis, notamment des officiels liés à la sécurité. Et est-ce que la situation à Hong Kong est similaire ? Alors, plus ou moins. Disons qu'il y a de fortes tensions entre la Chine continentale et Hong Kong, mais qui ne se traduisent pas de la même façon qu'avec Taïwan. Et de la même façon, la position américaine est présente, mais n'est pas la même. Une des principales différences que notamment les Hongkongais ont toujours ressenties est une différence dans le système avec la Chine continentale, notamment tout ce qui est en rapport avec la démocratie et la liberté. Ils étaient censés pouvoir les garder sous le système, une Chine de système. Mais la population sent que ces libertés deviennent de plus en plus restreintes, et la démocratie de moins en moins libérale, et que tout cela serait dû à une influence de la Chine continentale dans les affaires intérieures à Hong Kong. Ce n'est d'ailleurs sûrement pas la première fois que vous entendez parler de grandes manifestations dans l'île, les étudiants notamment et les jeunes de façon générale étant très activistes et n'hésitant pas à se manifester, ce qui peut même parfois créer des clashs violents avec la police. Et du coup, cette fois-ci, qu'est-ce qui a déclenché les manifestations ? Alors en fait, il y a une loi qui est en train d'être discutée, qui permettrait des extraditions de Hong Kong vers la Chine continentale. L'argument principal est de s'assurer que l'île ne devienne pas un havre pour les criminels, mais ceux qui critiquent cette loi sont de l'opinion que ça ouvrirait pas mal de portes à ce que ceux à Hong Kong soient affectés par le système judiciaire de la Chine continentale, qui, disons, n'est pas connu pour être la plus juste au monde. Donc, tout ça est vu par la population comme le pouvoir de la Chine continentale qui se resserre davantage autour de l'île, ce qui, vous avez pu comprendre, je pense, n'est absolument pas accepté par la population hongkongaise. À savoir que ces manifestations semblent être des plus grandes que l'île ait vues, et qu'elles sont surtout notables pour la diversité de personnes impliquées, dont notamment autour de 3000 personnes travaillant dans le domaine du droit, que ce soit des avocats, des procureurs, des académiciens, des étudiants, etc. Ce problème n'est pas qu'interne à la politique nationale chinoise, puisque d'autres États sont prononcés sur la question, notamment les États-Unis. Ceux-ci sont de l'avis que cela mettrait davantage l'île sous coercition politique de la Chine continentale, ce qui a eu pour conséquence que certains sénateurs américains veuillent voter sur l'accord commercial spécial entre les États-Unis et Hong Kong pour enlever à Hong Kong le statut spécial qu'ils ont sous cet accord. Si jamais cette loi, ce projet de loi passe et est mis en place. Le but est ainsi de mettre de la pression sur les gouvernants de l'île qui a de fortes relations commerciales avec les États-Unis. Bon, finalement, le projet de loi a été suspendu et nous ne savons pas à quel moment il sera repris. Mais le gouvernement hongkongais refuse de le retirer, raison pour laquelle la situation est toujours tendue. Et puis le fait que le gouvernement chinois voit les Américains se prononcer sur des questions qu'ils voient comme nationales, ça ne fait qu'empirer les relations entre la Chine et les États-Unis.

qui permettrait, tout en embarquant 150 passagers, de diminuer de 5 à 10% la consommation de carburant par rapport aux appareils mis en service en 2014. L'objectif serait à terme d'utiliser un autre carburant que du kérosène, par exemple des piles à combustible ou des batteries. Un tel avion devrait atterrir sur nos grandes lignes à l'horizon 2040 selon l'ONERA. Ça peut paraître anecdotique et c'est du civil, donc ça intéressera peut-être moins d'entre vous, mais la consommation de kérosène des avions et donc la question énergétique est vraiment au centre des questions évidemment écologiques, mais aussi économiques, parce que ça coûte extrêmement cher tout ça. Ah oui, et autre innovation, assez anecdotique encore une fois, Air France l'avait déjà annoncé, mais nous aurons peut-être la LiFi dans les avions du futur. Donc la LiFi, c'est une sorte de connexion Wi-Fi un peu limitée à l'intérieur de l'avion. Bon, et pour terminer, je vais vous parler de mon coup de cœur perso du salon, le simulateur de vol Rafale sur le stand de Dassault Aviation. Bon alors, déjà parce que les Rafales, c'est cool, et en plus, ils ont des capacités nucléaires, donc forcément, je suis un peu familière de l'avion. Mais aussi parce que le simulateur de vol, c'est incroyable. On n'imagine pas la complexité de la mission des pilotes, qui sont pourtant de plus en plus épaulés par l'intégration des technologies, des designs plus intuitifs et l'intelligence artificielle qui ne fera que grandir. C'est extrêmement impressionnant à regarder, et c'est encore plus impressionnant du coup d'observer la voltige auquel s'est prêté le pilote de Rafale lors des démonstrations quand on a pu voir la simulation et la complexité de ce qu'ils ont sous les yeux. On va s'arrêter là avec ce sujet de geek, on espère que ça vous aura plu, et on va passer au grand dossier avec Camille. Et je termine là-dessus, si vous voulez voir des très belles photos du salon du Bourget, allez regarder le Twitter de Paris Air Show. Et donc nous accueillons pour notre grand dossier Camille Siegel. Camille, bienvenue. Merci. Alors Camille, tu as fait un master en intelligence stratégique et risques internationaux à Lyon 3, la même année que Carolina et moi, et tu es spécialisée en intelligence économique. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la Corée, mais alors pas de la Corée à laquelle vous attendez, mais la Corée du Sud, parce que tu y as vécu plusieurs années, tu as même étudié là-bas, et c'est un sujet passionnant. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous parler de la Corée du Sud et un petit peu de son évolution à partir de la guerre de Corée et jusqu'à aujourd'hui, et comment elle a évolué et comment c'est devenu une puissance économique. Donc, je vais faire un petit rappel historique. Alors, la Corée, par son histoire, a été plusieurs fois sous l'emprise japonaise au cours de l'histoire. La plus récente, c'était celle issue de la montée de l'impérialisme japonais depuis la fin du 19e siècle. Et cette invasion s'est terminée avec la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et encore aujourd'hui, c'est la source de nombreuses tensions entre les deux Corées et le Japon. C'est un véritable espace géostratégique, la Corée, pour le Japon, parce qu'elle est au cœur des querelles, et un véritable tremplin pour le continent. L'annexion officielle de la Corée par le Japon a eu lieu en 1910, même si dès 1905, le Japon intervenait déjà dans les affaires internes de la Corée. Le pays impose ses lois, change les noms des villes et impose le japonais comme langue officielle et interdit l'usage du coréen. La fin du 19e siècle et le début du 20e sont marqués par l'effacement total de la Corée par le Japon. Et c'est cette disparition, autant politique que culturelle, qui va être déterminante pour la Corée dans ses choix internationaux tout au long du 20e siècle, mais aussi en ce début de 21e siècle. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la Corée devient l'arrière-cour du Japon. Les Coréens sont obligés de s'engager dans l'armée japonaise et la déculturation de la Corée se poursuit. De cette persécution va naître un fort sentiment nationaliste et les premiers partis coréens vont en bénéficier. On a par exemple le Parti National de Corée, créé par Kim Koo, mais aussi le Parti Communiste du Peuple Coréen, fondé par Kim Tudong, et aussi l'Association pour la Restauration de la Patrie, fondée en 1936 par Kim Il-sung. Et comment est-ce que la Corée s'est retrouvée divisée entre le Nord et le Sud ? Alors en fait, ça a commencé avec la conférence de Potsdam, qui insiste avec l'accession à l'indépendance de la Corée. Les troupes soviétiques se dirigent à ce moment-là sur la Corée, dans le but en fait d'aider les États-Unis à vaincre le Japon. Cependant, les deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août vont mettre fin au dessein soviétique. et lorsque les Américains accostent en Corée le 8 septembre 1945, les troupes soviétiques sont déjà bien installées dans le pays. Petite précision, conférence de Potsdam, pour ceux qui ne savent pas, c'est juillet 45, juste avant donc les bombes atomiques, comme tu le disais. C'est ça. À la fin de la guerre, il est décidé en fait que la Corée serait temporairement séparée en deux zones d'influence, afin de procéder au désarmement de la péninsule et effectuer pacifiquement le retrait des troupes japonaises. Au nord du 38e parallèle, les Soviétiques occupent le pays et transfèrent tout le secteur industriel en Union soviétique. Et au sud, les Américains rencontrent une vive critique du gouvernement et de la population qui en fait ne comprend pas pourquoi la Corée n'accède pas directement à l'indépendance. Donc les partis de gauche sont interdits, l'autorité japonaise ne disparaît pas complètement après la capitulation du Japon, et les Américains en fait se servent des structures mises en place pour contrôler et mettre à distance les sympathisants soviétiques qui sont toujours plus nombreux et supportés par la population. Donc en fait, la Corée, c'est vraiment une bataille de guerre froide. C'est ça, exactement. C'est là où se jouent les premiers jeux de la guerre froide. Une série d'élections va avoir lieu en 1948, au cours desquelles le sud-coréen Syng Man Rhee devient président de la Nouvelle République, le 20 juillet. Et dans le Nord, des élections attribuent la majorité des voix à Kim Il-sung, qui est premier ministre. Kim Il-sung, qui est en fait l'arrière-grand-père de Kim Jong-un, a été élu de manière complètement démocratique par la population de la Corée du Nord. Pendant que les tensions augmentent en Europe, où la guerre froide s'installe, les troupes des deux camps se retirent totalement en juin 1949, et elles laissent en fait la péninsule dans un équilibre très instable. La guerre éclate le 25 juin 1950, lorsque les troupes nord-coréennes franchissent le 38e parallèle. L'armée bénéficie de l'effet de surprise sur son adversaire et détient le soutien de la population. Ces deux éléments permettent aux troupes d'avancer très rapidement vers le sud. Et d'un point de vue technologique, l'armée nord-coréenne possède de meilleurs équipements que les sud-coréens. D'ailleurs, je préfère préciser pour nos auditeurs, tu parles souvent du 38e parallèle. Mm-hmm. C'est aujourd'hui plus ou moins la frontière physique est très très militarisée entre les deux Corées. Exactement, c'est la DMZ. Encore aujourd'hui, la question de la responsabilité de la guerre de Corée, elle fait débat. Elle est issue en fait d'une hausse des tensions, d'une volonté d'indépendance de la population qui est sous le joug de puissances étrangères depuis plus de 50 ans, et aussi de la persécution et de l'absence d'écoute de la population qui a contribué à l'établissement d'un environnement vraiment menaçant et qui a favorisé les intérêts stratégiques des grandes puissances de l'époque, donc la Chine, l'URSS et les États-Unis. Le 7 décembre 1950, les troupes chinoises reprennent Pyongyang puis Séoul en janvier 1951. Au même moment, la Corée du Nord elle cède le commandement des armées à la Chine. Et à partir de là, en fait, la guerre de Corée elle cesse d'être une guerre coréenne et devient un conflit où s'affrontent en fait les grandes puissances sur le sol coréen. Donc là, de 1951 à 1953, la guerre va continuer seulement par rapport aux intérêts étrangers qui sont sur la péninsule. Et du coup, c'est quoi ces intérêts des autres États qui sont engagés dans le conflit ? Alors, premièrement, on a la Chine, à qui Staline a promis un complexe militaro-industriel. Ensuite, on a l'URSS, qui ne veut pas céder face aux Américains. Enfin, les États-Unis, qui veulent repousser la menace soviétique, suivant leur politique de containment. Des négociations pour établir un cessez-le-feu conduisent à la signature de l'armistice de Panmunjom, le 27 juillet 1953, entre la Corée du Nord, la Chine et les pays des Nations Unies. Cette signature conclut un conflit de 3 ans qui a fait plus de 3 millions de victimes coréennes. Cependant, elle ne sera pas signée par la Corée du Sud, et donc, concrètement, même encore aujourd'hui, les deux Corées sont techniquement toujours en guerre. Au sortir de la guerre, la Corée du Sud est un pays vraiment dévasté, qui connaît une forte inflation, un déficit commercial et budgétaire, une économie ruinée, et la plupart de ses infrastructures et capacités de production sont détruites. Le pays alterne entre crise économique et dictature. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la Corée du Sud, elle est très très loin du tableau que tu es en train de nous décrire. Alors, comment est-ce que le pays est passé de ça à une grande puissance économique et culturelle qu'elle est aujourd'hui ? Alors oui, en effet, la Corée aujourd'hui est bien différente, et ce pour plusieurs raisons. Une de ses forces, notamment, c'est la reconstruction totale du pays depuis 1953 et sa capacité d'adaptation, d'observation du marché et d'identification des points forts des pays avancés en fait. Afin de rattraper son retard économique, technologique et industriel, le pays a mené une stratégie d'apprentissage auprès des pays occidentaux. Donc, concrètement, ils ont commencé par copier et ensuite ils ont innové. Un peu comme la Chine a fait. Totalement. Cette adaptation, elle est issue d'une stratégie en fait, de renseignement et d'intelligence économique, notamment en fait, grâce aux sociétés coréennes qui étaient implantées à l'étranger, et qui permettaient en fait, la captation d'informations stratégiques, la diversification de leurs offres, mais aussi d'innover plus rapidement face à un marché hautement compétitif. La Corée du Sud a opéré d'ailleurs un tournant stratégique dans les années 80-90 avec le développement de secteurs technologiques à haute valeur ajoutée, notamment l'automobile et l'électronique grand public. Une des spécificités en fait du paysage économique sud-coréen tient notamment de la gouvernance des chaebols. Ces ensembles d'entreprises, elles sont similaires en fait aux zaibatsu japonais, sont souvent gouvernées par une seule famille. Et ces chaebols, dont la structure en fait ça ressemble un peu à un conglomérat, elles ont participé au décollage économique sud-coréen. Parmi les chaebols les plus connus, on a Samsung, LG, Hyundai, Lotte, Daewoo et plein d'autres encore. Et ce modèle économique est de plus en plus critiqué par la population et dénoncé par la presse. Pourquoi ? Alors en fait, la corruption, c'est un levier stratégique dans ce milieu où en fait l'économie et la politique sont étroitement liées. Et le plus gros scandale date de 2017 qui a engendré en fait la condamnation de la présidente de l'époque, Park Geun-hye. Mais aussi, quand un autre scandale a impliqué un autre ex-président sud-coréen, qui s'appelle Lim Yong-bak, qui était en fait le prédécesseur de Park Geun-hye. Et il a été en fait accusé de corruption et condamné, car il était trop proche en fait du président de Samsung, qui en fait, il a été condamné parce qu'il acceptait des pots de vin de la part de Samsung pour en fait qu'il évite la prison suite à des condamnations pour évasion fiscale. Et en tout, c'est 5 ex-présidents sud-coréens qui ont été condamnés ou accusés de corruption. Les condamnations d'ex-présidents en France, on n'y est pas encore. Ensuite, une des particularités en fait, de la Corée du Sud, c'est qu'elle ne possède pas en fait, de ressources naturelles très importantes. Donc, elle a opté sur ses citoyens. Le gouvernement, en fait, il a développé une politique d'éducation d'excellence et réformé en profondeur le système éducatif, et ce, en fait, dès la fin de la guerre, en 1953. Donc, la Corée, elle a mis à profit chacun de ses citoyens pour participer au développement de la nation. Et par le biais, en fait, de l'éducation, la société coréenne, elle a gardé et adapté les valeurs, en fait, du confucianisme à sa société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la société coréenne, elle est surtout basée sur le respect, l'importance du groupe et de la hiérarchie. L'évolution du système éducatif, elle est donc fondamentale en fait, pour comprendre le développement économique du pays. Le taux d'alphabétisation en 1945, il était de 22%, et en 1970, de 88%. Donc c'est une réforme qui a été très rapide et très effective. Oui, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, toi qui as vécu en Corée, qu'est-ce que tu penses de leur système éducatif comparé à celui de la France ? Alors, en fait, comme je l'ai dit, c'est un système qui est basé sur l'excellence. Et les enfants vont à l'école dans la journée, et le soir, en fait, ils vont étudier dans des établissements privés, qu'on appelle des hagwon, et jusqu'à très tard le soir. C'est un système qui est basé sur la compétition dès le plus jeune âge, en fait. Et les parents mettent beaucoup de pression sur les épaules de leurs enfants, car en fait, ils n'ont pas d'autre choix que de réussir. On comprend ce phénomène, parce que pendant longtemps, la survie du pays, en fait, elle était liée directement au niveau d'éducation de ses citoyens. Et la Corée du Sud voit vraiment sa réussite comme une réussite collective grâce à ses citoyens. Et c'est pour ça en fait qu'on peut comprendre la haute compétitivité et toute la pression qu'on met sur ses enfants. Au-delà en fait de l'honneur familial, on trouve en fait une participation directe au développement du pays pour réussir ensemble. Et c'est ce qui importe le plus. Et c'est aussi malheureusement pour ça que la Corée du Sud un taux de suicide chez les enfants des plus élevés, malheureusement. Enfin, je voulais vous parler un peu du soft power sud-coréen, parce qu'en fait, c'est un facteur de puissance et d'influence à l'échelle mondiale, comme vous le savez sûrement. Et que ce soit en fait par le cinéma, la musique K-pop, les personnalités influentes, que ce soit des acteurs ou des chanteurs, a conquis en premier lieu en fait la région asiatique, notamment l'Indochine, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, et par la suite est devenue un véritable phénomène mondial. Aujourd'hui, la Corée du Sud, elle a su imposer ses standards de beauté, notamment par rapport aux produits esthétiques, à la mode. La population jeune, elle est avide de ses biens de consommation. Et le pays est vu comme un pays jeune, hyper connecté, où la culture informatique est enseignée dès l'école. Ce soft power, c'est un atout stratégique majeur pour la Corée, car elle n'a jamais eu recours au hard power pour imposer sa volonté. C'est un pays qui a été occupé, colonisé, en guerre, et qui depuis 66 ans en fait cherche à s'émanciper, que ce soit économiquement, politiquement et socialement. Et ça a fonctionné puisqu'aujourd'hui, la Corée du Sud, elle représente la 11e économie mondiale, et c'est l'un des leaders de l'électronique. Elle compte également parmi les acteurs les plus influents de la scène économique mondiale. C'est effectivement une réussite pour la Corée du Sud. Mais au-delà de la question culturelle, où effectivement on voit l'influence des Sud-Coréens, je me rappelle notamment de cette chanson qui nous est restée en tête pendant des mois et qui a eu plus de 3 milliards de vues sur YouTube, j'aimerais bien savoir comment est-ce que la Corée se positionne dans l'espace asiatique, de manière un peu plus générale. Alors la Corée, depuis toujours, elle est sous l'influence, que ce soit du Japon ou de la Chine. Du coup, quand la Chine cherche à s'étendre ou à étendre son influence, forcément, elle aura un impact sur la Corée. Depuis quelques années, la Chine, par exemple, elle a lancé ses nouvelles routes de la soie. On appelle ça l'initiative de la ceinture et de la route de la Chine, la BRI. Et en fait, elle vise à élargir les routes maritimes et les réseaux d'infrastructures terrestres qui relient à la fois l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Cette politique, elle est définie selon 5 grandes priorités. On a la coordination des politiques, la facilitation de la connectivité, le libre-échange, l'intégration financière et l'établissement de nouveaux liens entre les personnes. Et en fait, cette politique, elle s'inspire complètement donc des anciennes routes de la soie qui ont été mises en place il y a 2000 ans par la dynastie Han et qui, à l'époque, en fait, constituaient un réseau de routes commerciales qui reliait la Chine à la Méditerranée. En 2013, Xi Jinping lance sa politique One Belt, One Road afin en fait de redonner l'influence impériale de la Chine passée et effectuer un renouvellement économique, politique et migratoire d'ici 2049. 2049, bien entendu, en référence au centenaire de la révolution de 1949 menée par Mao, qui a donné notamment naissance à la République populaire de Chine. Et donc en fait, ces nouvelles routes de la soie, elles prennent une dimension stratégique cruciale pour le pays, puisqu'elles cherchent à la fois à répondre à une demande toujours plus croissante de la population, que ce soit en matière d'énergie, mais aussi à s'émanciper géopolitiquement, et pour affirmer en fait son rôle de premier plan dans la géopolitique mondiale et dans les relations internationales. On compare souvent en fait la stratégie chinoise à la stratégie du jeu de Go. Et en fait, dans le jeu de Go, les actions semblent au départ aléatoires et elles prennent petit à petit sens au fur et à mesure que la partie avance. Contrairement au jeu d'échecs qui est favorisé en fait par les pays plutôt occidentaux qui recommandent une attaque plutôt frontale. Et c'est exactement ce que fait la Chine aujourd'hui. Donc pour assurer sa grande stratégie, la Chine elle a créé en 2014 la Silk Road Fund de 40 milliards de dollars et ainsi que la Banque Asiatique d'Investissement pour les infrastructures, donc on appelle ça l'AIIB, dont le but, en fait, c'est de favoriser l'intégration économique régionale et dont le capital s'élève à plus de 100 milliards de dollars, avec 68 pays membres, dont la Corée du Sud fait partie. Cette stratégie, elle s'intègre complètement dans un contexte de forte compétition et tension avec les États-Unis qui mènent une guerre commerciale ouverte à la Chine. Son objectif, c'est de multiplier en fait ses interlocuteurs afin de ne pas tomber dans une forme de dépendance. C'est le piège dans lequel les États-Unis sont eux-mêmes tombés avec la problématique des terreurs dont on a entendu parler récemment, puisque la Chine se trouve en situation de quasi-monopole. Et cet exemple montre bien en fait l'importance de l'économie comme facteur de puissance. L'ensemble des stratégies mises en place par la Chine pour développer ses réseaux et ses nouvelles routes de la soie, elles vont participer d'une manière significative à l'expansion en fait économique de la région. Et la Corée du Sud, elle l'a bien compris, et elle-même, elle possède en fait des ambitions sur le continent eurasiatique. Qu'est-ce que veut faire la Corée du Sud dans l'initiative de la Chine ? Alors en fait, en 2013, la présidente Park Geun-hye, elle a lancé l'Eurasia Initiative. C'est un plan économique coréen qui est basé sur la coopération économique eurasienne. Et en fait, à travers ce projet d'infrastructure, elle veut lancer notamment le Trans-Korean Railway. Et c'est pour ouvrir l'ensemble du territoire coréen au continent eurasiatique. Donc via des chemins de fer. Exactement. Ce projet, en fait, il permettra entre autres de réduire les coûts d'export vers l'Europe de 30%. Il s'agit avant tout d'unifier les systèmes énergétiques de transport, de réseau dans les domaines scientifiques, culturels et technologiques. La Corée du Sud, elle cherche en fait à transformer ses limites. Elle veut en fait sortir de son enclavement et utiliser le plus possible sa position géostratégique. Sa forte croissance économique depuis ces 50 dernières années et son évolution démographique, l'utilisation de plus en plus conséquente de son soft power par la promotion de la culture coréenne à travers le monde, en fait, ça consolide son statut de puissance moyenne montante dans la région. Et c'est dans ce contexte que la Corée du Sud a signé le Free Trade Agreement, la FTA, en 2015, après 3 années de négociations. Bon, alors, je vais parler du sujet qui fâche, ou du sujet un peu touchy, c'est la question de la Corée du Nord. Est-ce que les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ont un impact sur la politique de la Corée du Sud ? Alors oui, complètement. La Corée du Nord a forcément un impact sur l'ouverture économique de la Corée du Sud. Et malgré en fait les tentatives de coopération, comme l'invitation par exemple de la Corée du Nord par la Chine au premier Belt Road Summit en mai 2017, il y a peu de progression qui semble possible par rapport aux sanctions internationales et au protectionnisme nord-coréen. Moscou et Séoul soulignent l'importance d'une coopération trilatérale avec Pyongyang, notamment par rapport au projet du Trans-Korean Railway, dans les négociations et traités économiques qui veulent vraiment impliquer Pyongyang. L'objectif de ce projet, c'est de relier le réseau ferroviaire, comme je le disais précédemment, au réseau du Trans-Siberian Railway, et ainsi créer un réseau de transport liant directement en fait, la péninsule au continent. En plus d'une avancée commerciale, il s'agirait vraiment d'un message politique fort, mais bon, l'attitude belligérante de la Corée du Nord met à mal souvent les intentions sud-coréennes. La problématique de la « shrimp between two whales », comme le proverbe coréen le dit, c'est que... Alors, je suis désolée, je vais le traduire pour les non-anglophones qui nous écoutent. C'est-à-dire la crevette entre les deux baleines. Exactement, oui. Et plus que jamais d'actualité, en fait. À l'intérieur même de la péninsule, on a la Corée du Sud qui se retrouve coincée par sa sœur jumelle, Moon Jae-in, donc le président de la Corée du Sud, tente en fait de faire évoluer ce constat avec sa New Northern Policy. C'est en fait une politique qui se construit plus ou moins en 2 parties. Il y a une première partie en fait qui constitue à approfondir les relations économiques avec ses voisins et diversifier ses marchés, à l'image de la politique menée par les présidents Roh-tae-woo et Park Geun-hye. En fait, Moon Jae-in il souhaite à tout prix éviter la dépendance du marché coréen à ceux des États-Unis et de la Chine. Il veut s'émanciper. Donc cette proposition, elle est illustrée notamment par la proposition du réseau de transmission énergétique régionale, qui passe notamment par la Corée, la Chine, la Mongolie, le Japon et la Russie. Cette nouvelle technologie, elle est déjà utilisée en Chine, et en fait, le but, c'est de minimiser les pertes énergétiques. C'est autant une prouesse technique que politique de mener à bien ce projet. La deuxième partie du projet de Moon Jae-in, c'est de favoriser l'intégration économique de la Corée avec ses voisins. Nous pouvons prendre l'exemple de la construction du Light Rail Transit System, c'est un nouveau système ferroviaire en Indonésie, ou encore la Corée du Sud qui recevra en 2023 la 51e conférence ministérielle de l'Organisation pour la coopération des chemins de fer, l'OSJD. Elle est devenue le 29e pays membre grâce à la levée du veto de Pyongyang. Et cette organisation, elle compte notamment l'ex-bloc de l'Est et la Chine, la Mongolie et les deux Corées. C'est intéressant de voir que la Corée du Nord a levé le veto pour que la Corée du Sud puisse être intégrée au projet. Oui, on voit vraiment un apaisement des tensions depuis quelques années, notamment grâce à Moon Jae-in. L'autre obstacle auquel doit faire face la Corée du Sud pour rejoindre la BRI, c'est sa volonté en fait de préserver son alliance privilégiée avec les États-Unis. ce que Beijing voit en fait comme une menace pour restreindre en fait à la fois son influence et son développement économique en mer de Chine. De plus, la Corée du Sud cherche toujours à apaiser ses tensions avec la République populaire démocratique de Corée, donc la Corée du Nord. La New Northern Policy, elle participe au rapprochement entre les deux pays, mais on n'en est pas encore à une paix totale. Cette détente intercoréenne, elle est illustrée notamment par la décision du 26 octobre 2018 de retirer 11 postes de garde le long du 38e parallèle, 11 postes sud-coréens et 11 postes nord-coréens. Et c'est un apaisement remarquable, il s'inscrit dans la logique du développement des activités économiques intercoréennes, notamment avec peut-être la réouverture du complexe industriel de Kaesong, qui est fermé depuis février 2016, par la présidente Park Geun-hye. Les nouvelles routes de la soie représentent des enjeux bien différents, que ce soit pour la Corée du Sud ou pour la Chine. Et ça semble difficile de croire que cette dernière, elle va vraiment laisser la Corée s'émanciper de son rayonnement. Ça semble assez utopique. Les nouvelles routes de la soie, elles peuvent participer au réchauffement du climat politique dans la région, ce qui est une bonne chose. Mais la division des deux Corées constitue un avantage pour les grands acteurs stratégiques. Je parle bien entendu de la Chine et des États-Unis. Ce qu'on doit retenir, en fait, pour les prochaines années, c'est qu'elles seront décisives dans la géopolitique asiatique, notamment grâce à l'évolution de la politique étrangère de la Chine, mais aussi avec la diplomatie coréenne initiée par la Sunshine Policy de Kim Dae-jung et reprise par donc, l'actuel président Moon Jae-in, qui est en faveur en fait, d'une relation approfondie avec la Corée du Nord et qui laisse en fait, entrevoir peut-être une stabilité régionale et une normalisation des relations intercoréennes. Comme on a parlé des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a forcément une question qui se pose, c'est la place des États-Unis dans ces relations-là, et notamment le dernier sommet entre Kim Jong-un et Trump, qui finalement était un relatif échec. Alors certes, le dernier sommet de Hanoï a été un échec d'un point de vue diplomatique pour la Corée du Nord et les États-Unis, mais il faut rappeler quand même que avant Donald Trump et Kim Jong-un, aucun président nord-coréen n'avait jamais rencontré de président américain. Et ça, c'est une véritable avancée dans les relations et vers l'apaisement des relations entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et puis, il y a eu déjà l'accord historique de Singapour, qui a notamment été axé sur 4 points. Donc, il y a eu, par exemple, l'établissement des nouvelles relations entre les USA et la Corée du Nord, une instauration d'un régime de paix dans la péninsule coréenne, une réaffirmation de la déclaration de Panmunjom pour laquelle en fait la Corée du Nord s'engage à travailler à la dénucléarisation complète de la péninsule, et un rapatriement des restes des prisonniers de guerre et des disparus au combat. Alors certes, l'échec d'Hanoï se conclut sans aucun accord sur la dénucléarisation de la péninsule, mais par rapport à la politique menée notamment par le président sud-coréen Moon Jae-in sur en fait, des négociations plus poussées avec la Corée du Nord sans forcément demander la dénucléarisation totale avant une quelconque discussion, ça montre quand même qu'il y a un espoir quant à la normalisation des relations. En fait. Le conflit coréen, en fait, il possède 2 échelles de lecture. Une échelle régionale, où le conflit est avant tout de nature idéologique et historique. C'est un conflit en fait, qui oppose les deux Corées. Et une échelle internationale où interviennent les intérêts de la Chine, du Japon, des États-Unis et de la Russie. Par la force des choses, la résolution du conflit coréen ne pourra se faire qu'à l'échelle mondiale, avec un accord impliquant les USA et la Chine. La Corée du Sud possède une marge de manœuvre très limitée concernant la résolution de son propre conflit, en fait. C'est plutôt intéressant de voir que la Corée du Sud, qui est quand même une des premières concernées par la paix dans la péninsule coréenne, n'est finalement pas en charge de la résolution du conflit. J'ai l'impression que les guerres proxy qui avaient été menées par les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide continuent un peu, mais sous une autre forme, sous une forme de négociation, et avec une Chine de plus en plus puissante. Alors je te pose pas la question à toi particulièrement, mais je trouverais assez intéressant de lire sur les guerres proxy comme des guerres par essence de grande puissance. Si vous avez des idées, chers auditeurs, envoyez-moi vos références, je les lirai avec attention. j'arrête mon monologue et je te laisse continuer, Camille. J'aimerais ajouter un petit bémol quant à l'essor économique de la Corée du Sud. La croissance économique coréenne semble s'essouffler, notamment avec l'augmentation du taux de chômage chez les jeunes, les écarts qui se creusent de plus en plus entre les pauvres et les riches, et des syndicats qui militent pour une augmentation des salaires et du niveau de vie. Et je vais encore faire une référence à la guerre froide, pardon. Mais est-ce que tu penses qu'une réunification des deux Corées, parce qu'on en parle parfois, est-ce que tu penses que ce serait possible, comme il a été possible en fait de réunir les deux Allemagne, une sous domination soviétique et l'autre sous influence, et j'utilise un autre mot, à dessein américaine, est-ce que le parallèle te semble cohérent ou est-ce que pour toi c'est deux cas qui n'ont rien à voir ? Alors, ce n'est pas deux cas qui n'ont rien à voir, mais le cas de l'Allemagne, en fait, était beaucoup plus simple, puisque la RDA ne possédait pas, en fait, l'arme nucléaire. Donc, la question de la réunification était beaucoup plus simple à gérer. Ici, le véritable obstacle à toute réunification, c'est le fossé politique qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud. Bien qu'on nous parle beaucoup de réunification, ça reste quand même aujourd'hui deux pays complètement différents, avec des organisations complètement différentes. Et la réunification tient plus aujourd'hui d'une utopie et d'une sorte de gage qu'on tend à la Corée du Nord et à la Corée du Sud pour favoriser en fait les relations plutôt qu'une véritable application d'une politique en fait. La Corée du Sud, elle a les capacités, elle a conscience hein, politique de devenir un pays responsable et capable de gérer l'arme nucléaire. Mais ça ne sera jamais accepté par les États-Unis ou la Chine. Oui, parce que si la Corée du Sud devenait nucléaire, ça pourrait s'apparenter à de la prolifération. Et c'est bien ce contre quoi les États-Unis, notamment, se battent avec la Corée du Nord. Même s'ils se sont retirés du TNP récemment. Oui, ça n'empêche pas la prolifération. Oui. Du point de vue régional, aucune des puissances impliquées ne tolérera une réunification avec la présence d'armes nucléaires sur la péninsule. Principalement les Américains, mais aussi la Chine et le Japon s'y opposeront. Encore une fois, le proverbe coréen, il prend tout son sens, puisque la réunification ne pourra se faire qu'avec une supervision internationale. On voit bien les intérêts divergents des acteurs, et du coup, ça altère les négociations et ça nous mène dans l'impasse. Pour la Chine, la réunification, ça signifierait une présence américaine aux frontières directes du pays, ce qui n'est pas concevable pour sa sécurité, et même une réunification sous les conditions nord-coréennes, ce n'est pas envisageable, puisque elles ont des points de vue différents, notamment par rapport à la politique belliqueuse que mène la Corée du Nord et son programme nucléaire militaire, ou aussi le culte de la personnalité qui fait écho aux périodes maoïstes. Ça ne permet pas en fait à la Chine de soutenir pleinement le pays. Pour les États-Unis, il est hors de question d'avoir une Corée unifiée qui signifie en fait la fin de la présence des États-Unis de manière massive dans la région. Et le Japon ne pourra pas tolérer l'émergence d'une Corée plus puissante et compétitive dans les domaines économiques et de l'armement. Donc en fait, ça arrange un petit peu les plus grandes puissances de la région que la Corée du Sud et la Corée du Nord soient deux États qui ne soient pas unifiés. Tout à fait, c'est complètement ça. Et puis l'augmentation des tensions autour de la péninsule coréenne, notamment des îlots situés en mer de Chine et en mer du Japon, ça contribue à la surmilitarisation de la zone et ça ajoute aussi une dimension complémentaire au dilemme de sécurité auquel font face les acteurs aujourd'hui. L'aggravation des relations entre acteurs, ça permet pas d'adopter une ligne unifiée contre les agissements de la Corée du Nord et elle tire en fait partie de cette division. Bah merci beaucoup Camille, c'était très intéressant et je vais revenir sur un sujet que tu as évoqué, c'est les rapports Japon-Corée. Parce que j'ai rencontré récemment une doctorante sud-coréenne qui me disait que les bombes nucléaires qui ont explosé donc sur Hiroshima et Nagasaki ont été vécues en Corée comme une libération, le symbole d'une domination japonaise qui s'éteint. Alors j'aimerais bien savoir, est-ce que le rapport entre la bombe nucléaire et les Sud-Coréens, est-ce qu'il a changé depuis la nucléarisation de la Corée du Nord ? Et est-ce qu'on parle de la bombe dans la pop culture comme on en parle dans la pop culture japonaise ? Alors, j'ai pas forcément de réponse précise à apporter à cette question. Cependant, la peur en fait de la guerre, elle est beaucoup moins présente chez les jeunes Coréens aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas vécu la guerre de Corée, ils n'ont pas vécu la dictature ni les périodes de famine. Du coup, les jeunes Coréens, ils se sentent beaucoup plus détachés de cette situation-là et vivent plus dans l'indifférence de leur voisine, la Corée du Nord, voisine et non sœur, et souhaitent un retour aux relations apaisées. Mais ils n'ont pas vraiment de griffes contre la Corée du Nord, comme peuvent l'avoir leurs parents ou leurs grands-parents. On voit actuellement une libéralisation des modes de pensée et les jeunes ils sont plus éduqués et moins sensibles en fait à la notion de sacrifice pour le bien de la nation par exemple. Et je pense que cette évolution des pensées et des mœurs, c'est un véritable challenge que va devoir relever la Corée en fait pour s'adapter à la modernisation de la population. Et en ce qui concerne en fait le nucléaire, la Corée du Sud, dans son passé, elle a voulu aussi, elle, détenir la bombe dans les années 70 au début de son essor économique. Et même si aujourd'hui ce dessin il a été abandonné, je pense qu'il serait pertinent en fait de voir de plus questionner en fait les relations entre le Japon et la Corée, puisque elles ont évolué depuis la fin de la guerre. D'ailleurs, en ce qui concerne la Corée du Sud qui a voulu acquérir la bombe, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était dans les années 70 et que la France avait une sorte de partenariat avec la Corée du Sud, que la France était prête à donner non pas la bombe, mais à donner des technologies qui pourraient mener la Corée du Sud à la bombe. Et c'est l'intervention des États-Unis qui a stoppé le deal, ça a marqué le début d'une nouvelle conscience de la France sur les dangers et les enjeux de la prolifération, les enjeux de la non-prolifération. En réalité, je pense qu'il y a toujours beaucoup en fait, de tensions entre la Corée et le Japon. Et même s'ils font front uni face à la dénucléarisation de la Corée du Nord, je pense que la menace nucléaire, en fait, elle est beaucoup moins importante en Corée qu'au Japon. Puisque, en fait, le dessein de la Corée du Nord, ça reste quand même la réunification, alors qu'elle possède vraiment une haine envers le Japon. Bon, alors Camille, une dernière question pour conclure ce grand dossier. Est-ce que le gouvernement qui est pro-rapprochement avec la Corée du Nord, est-ce qu'il est majoritaire dans le pays? Est-ce qu'il risque pas d'être remplacé par d'autres forces politiques qui auront un impact sur les négociations de la dénucléarisation de la péninsule et de la paix avec la Corée du Nord? Alors forcément, on l'a vu face aux différentes présidences qui se sont succédées en Corée du Sud, forcément, un changement de force politique, ça va impacter les négociations avec le Nord. Aujourd'hui, la principale opposition en fait, au président Moon Jae-in, c'est le Parti de la Liberté. C'est un parti conservateur dont l'un des responsables est M. Hong Joon-pyo, qui reproche en fait, au président d'abandonner le pays au Nord. C'est un parti en fait, qui est pour une ligne dure contre la Corée du Nord et qui exige la dénucléarisation totale du pays avant toute négociation. Et c'est un parti qui favorise l'alliance avec la Corée du Sud et les États-Unis. Pour ce parti, en fait, la Corée du Nord, c'est un acteur trop instable, paranoïaque, moralement et politiquement méprisable. Ils en oublient que le nucléaire nord-coréen, en fait, c'est le seul moyen de sacraliser son territoire et de le préserver d'une attaque, que ce soit du Sud ou d'une puissance étrangère. Pour rappel, en fait, le président Moon Jae-in, il a été élu par élection anticipée en 2017, suite à la destitution, en fait, de la présidente Park Geun-hye. Il a été élu à 41,19% des voix. Et en 2018, il y a eu des élections locales. Donc, le parti de Moon Jae-in, le Minju, en fait, c'est le centre-gauche, il a remporté 14 des 17 postes de gouverneur de province et 10 des 12 sièges de députés à pourvoir. Donc, je pense qu'on peut parler d'une majorité actuellement pour le parti de Moon Jae-in. Il est en partie responsable de l'apaisement des tensions, puisqu'on a vu, en fait, que Park Geun-hye, qui était plutôt d'un parti conservateur, avait favorisé en fait les tensions avec la Corée du Nord. Donc forcément, un changement politique, ça va altérer les relations avec la Corée du Nord, mais c'est aussi ce qui caractérise en fait les relations si particulières entre ces deux pays. Camille, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que on a déjà beaucoup parlé. On a été ravis de te recevoir et on espère que, chers auditeurs, ce grand dossier sur la Corée du Sud vous aura plu. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.